quitté maman. Yeah, yeah, ou quitté papa. Yeah, yeah, ou levé ou al marié. Maman ou te balé, famille ou te balé. Maman, trouvez m'nan la peine. Mariage, la vin pou l'tuer. Lem vin gen de zo doa moua. Madame mwen sorti, sa mwen ya se sa. Yo di fòk nan gen pwoblèm. Ye ye, mè ou touvò nan kwen. Fòk pa reflechi, ale kay mama. Ye ye, fòk nan kite ou. Ye ye, ajwen mama ou. Maman, pa jam kite ou. Se pou pa mèk nan tèl. Ye ye, fòk nan kite ou. Ye ye, ajwen maman ou. Maman, pa jam kite ou. Se pou pa mèk nan tèl. Parler ou, yo nou pa marié parce que fi a gen problème. Gardan tête charge ou met maman ou. Toute la journée maman a crié parce que le wò son ka pètu. Vin nos sa wal fè. Gardan ki jan yo pou an gòm nou. Ou koke. Pou lò ta vle sorti ou pa sa sorti. Te pale chéri. Yo marié.